إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture de l'épître de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, au sujet de l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Nous avons vu dans le cours d'hier différents points à ce sujet, et notamment l'importance du commandement du bien et de l'interdiction du mal, afin d'être sauvé de la perdition et du châtiment, et ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَقَدْ أَوْضَحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ مَنْزِلَتَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ » Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre immense son rang dans l'islam, c'est-à-dire le rang du commandement du bien et de l'interdiction du mal. « وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مَنْزِلَتَهُ عَظِيمَةً حَتَّى إِنَّهُ سُبْحَانَهُ فِي بَعْضِ الْآيَاتِ قَدَّمَهُ عَلَى الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الدِّينِ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ » Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a exposé son rang immense, le rang immense du commandement du bien et de l'interdiction du mal, à tel point que dans certains versets, il l'a mentionné avant la foi, alors que la foi est le fondement de la religion et la base de l'islam. Mais il a mentionné le commandement du bien et l'interdiction du mal avant la foi. Il nous dit, rahimahullah, kama fi qawlihi ta'ala, comme dans la parole d'Allah ta'ala, qui est le verset 110 de surat Ali Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous avez foi en Allah. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé l'importance du commandement du bien et de l'interdiction du mal. En effet, il a qualifié cette communauté, c'est-à-dire la communauté de l'islam, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme étant la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Pourquoi ? Quelle est la cause qui a fait de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la meilleure communauté ? Est-ce en raison de son nombre ? Est-ce en raison de sa force ? Est-ce en raison de son origine ? Est-ce en raison des richesses qu'ils ont possédées ? Quelle est la raison qui fait de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des communautés ? Il dit subhanahu wa ta'ala, تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous avez foi en Allah. C'est cela la cause qui a fait de cette communauté la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les gens. Et médite sur ce passage. أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Cette communauté, elle a été sorti pour les gens, c'est-à-dire qu'elle est profitable pour les gens. Le bien de cette communauté, il ne se limite pas à elle-même. Et ceci fait partie des spécificités de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne limitent pas le bien à leur propre personne, mais ils cherchent à être profitables à autrui. Comment ? Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et médite donc dans ce verset, comme l'auteur rahimahullahu ta'ala nous le dit ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le commandement du bien et l'interdiction du mal avant la foi en Allah. Alors que la foi en Allah est la base, et que le commandement du bien et l'interdiction du mal fait partie de la foi. Mais il l'a mentionné avant la foi afin de nous montrer son importance et le rang immense que cette prescription occupe dans notre religion. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, وَلَا نَعْلَمُ السِّرَّ فِي هَذَا التَّقْدِيمِ. Et nous ne savons pas le secret ou la sagesse qu'il y a dans ce devancement, dans le fait d'avoir mentionné cela avant la foi. Illa 'idama sha'ni hadha al-wajib. Si ce n'est l'importance et le rang immense de cette obligation. L'important, c'est le rang immense du commandement du bien et de l'interdiction du mal. وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَظِيمَةِ الْعَامَّةِ ainsi que l'importance immense de ce qui en découle comme intérêt immense et commun, intérêt immense et généraux pour l'ensemble de la communauté, comme on l'a vu hier. Le commandement du bien et l'interdiction du mal ont un intérêt immense pour l'ensemble des individus et des sociétés. Et c'est une cause de salut pour l'ensemble, car comme on l'a vu hier, il est nécessaire qu'il y ait parmi nous des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Car en l'absence de réformateurs, alors, si un châtiment descend, il touchera l'ensemble des gens. Et il nous dit, rahimahullah, que ceci a des intérêts immenses, wala siyama fi hadha al-asr. D'autant plus et plus particulièrement à notre époque, plus particulièrement à cette époque dans laquelle nous vivons, cette époque durant laquelle se sont multipliés les troubles, les tentations, cette époque durant laquelle les prêcheurs au mal et à l'égarement sont de plus en plus nombreux, cette époque durant laquelle les gens se sont laissés dominer par leurs passions et leurs désirs, où le suivi des passions, le suivi des ambiguïtés ont pris le dessus. À cette époque, il ne fait aucun doute que le commandement du bien et l'interdiction du mal est bien plus important et bien plus nécessaire qu'auparavant. D'autant plus si on ajoute à cela que ceux qui se chargent de cette obligation sont très peu parmi les gens. Et médite à ce sujet sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des ghuraba, au sujet des étrangers, lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Touba lil ghuraba » annoncer la nouvelle de Touba au ghuraba. Touba, comme il est venu dans l'explication des gens de science, c'est un nom du paradis ou le nom d'un arbre au paradis. Et cela peut aussi signifier « Bienheureux soient les étrangers ». On lui dit alors, mais qui sont les étrangers au messager d'Allah? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, alladhina yuslihun ma afsada an-nas min sunnati. Ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de ma sunnah. Ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de ma sunnah. Dans une autre version du hadith, on trouve الذين يصلحون إذا فسد الناس. Les étrangers, ce sont ceux qui sont vertueux lorsque les gens sont corrompus. Mais l'autre version que l'on a citée en premier, elle nous démontre que la vertu en elle-même, elle ne suffit pas. Bien sûr, celui qui est vertueux, il obtiendra le salut dans l'au-delà. Mais ici-bas, pour obtenir le salut, lorsqu'un châtiment descend, un châtiment général, il est nécessaire, en plus d'être vertueux, d'être un réformateur, de réformer ce que les gens corrompent. Tu te réformes toi-même, puis ensuite tu cherches à réformer les autres. Et ce sont ceux-là les ghuraba, ceux qui sont vertueux et qui cherchent à réformer les gens. Et étant donné que ceux-là sont peu nombreux, qu'ils sont étrangers parmi les gens, ils doivent donc redoubler d'efforts pour remplir ce rôle immense qui est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « Wa la siyama fi hadha al-asr » D'autant plus à cette époque. فَإِنَّ حَاجَةَ الْمُسْلِمِينَ وَضَرُورَتَهُمْ إِلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ شَدِيدَةً. Et ce car les musulmans ont grand besoin du commandement du bien et de l'interdiction du mal, et ceci est pour eux une nécessité. Pourquoi? لِظُهُورِ الْمَعَاصِ وَانْتِشَارِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ فِي غَالِبِ الْمَعْمُورَةِ. En raison de l'apparition des péchés et de la propagation du shirk, du polythéisme et des bid'ah, des innovations, dans la majorité des endroits sur terre. Les gens ont donc grand besoin qu'on leur ordonne le bien et qu'on leur interdise le mal. Que l'on remédie à tous ces maux qui sont présents dans les sociétés et qui mettent les individus en danger. À l'exemple des péchés, des turpitudes, des innovations et des différentes formes de polythéisme et de mécréances dans lesquelles sont plongées nombre de personnes. Et le seul moyen de mettre fin à cela, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, est de commander le bien et d'interdire le mal. Et si nous délaissons cela, alors le mal continuera de se propager, et le bien continuera de disparaître. C'est pour cela que l'on doit donner de l'importance à cette prescription religieuse, d'autant plus à notre époque. Regardez dans les endroits où ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal sont peu nombreux. Le mal se propage. Les gens n'ont même plus de gêne à commettre les péchés publiquement. Dans certains endroits, les turpitudes sont même commises publiquement. Alors que dans les endroits où il y a la mise en pratique de cette prescription religieuse, où beaucoup de gens ordonnent le bien et interdisent le mal, ceux qui font des péchés sont gênés de les faire publiquement. Et s'il leur arrive de faiblir, ils vont alors se cacher pour commettre leurs péchés. Ils ne vont pas les faire publiquement. Ils ne vont pas se montrer. Et le fait que les gens se montrent et commettent des péchés publiquement est une chose qui est gravissime en réalité. Il ne faut pas penser que c'est une chose insignifiante. Car lorsque le péché est commis publiquement, ceci appelle d'autres personnes à le commettre. Ce péché se banalise. Les gens ne le réprouvent plus. Ils ne se rendent même plus compte de la gravité du péché. Alors d'autres personnes vont s'habituer à le commettre. C'est pour cela qu'il est d'une grande importance pour nous de mettre en pratique cette prescription religieuse, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit: وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وفي عهد السلف الصالح يعظمون هذا الواجب ويقومون به خير قيام. Et les musulmans, à son époque, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque des compagnons radiallahu anhum, et à l'époque des pieux prédécesseurs rahimahumullahu ta'ala, il donnait une grande importance à cette obligation et il la mettait en pratique de la meilleure manière. Il savait que ceci faisait partie des prescriptions religieuses. Ils cherchaient donc à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Ils espéraient la récompense et la bonne rétribution de la part de leur Seigneur en se soumettant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam, en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Il dit, rahimahullah, فَالضَّرُورَةُ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ. Et la nécessité du commandement du bien et de l'interdiction du mal, après cela, c'est-à-dire après le temps, après l'époque des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, est bien plus grande et plus immense. Pourquoi? Il nous dit, لِكَثْرَةِ الْجَهْلِ وَقِلَّةِ الْعِلْمِ وغفلت الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم. Pourquoi la mise en pratique de cette prescription religieuse est d'autant plus importante et d'autant plus nécessaire aujourd'hui? Car l'ignorance s'est propagée. La science a diminué et beaucoup de gens sont insouciants de cette obligation immense. Ils sont distraits de celle-ci, ils n'y accordent aucune importance. Ensuite, il dit, rahimahullah, وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد والخطر أعظم لانتشار الشرور والفساد. Et à notre époque, la situation est devenue plus grave et le danger plus immense en raison de la propagation des maux et de la corruption. وكثرة دعاة الباطل. Et le grand nombre de prêcheurs au faux. وقلة دعاة الخير. Et le petit nombre de prêcheurs au bien. Ceci fait partie des causes qui nous indiquent l'importance de persévérer sur cette prescription religieuse, de persévérer sur le commandement du bien et l'interdiction du mal, avec ferveur. Car les gens du faux, eux, ils ne dorment pas, ils ne sont pas paresseux dans la propagation du faux, des ambiguïtés et des passions. Ils font des efforts jour et nuit pour propager le mal, propager leurs innovations, propager leurs égarements, propager leur mécréance, leur polythéisme, et ainsi de suite. Tout cela sont compris dans le terme que le Cheikh rahimahullah ta'ala a employé, les prêcheurs au faux. Le faux, c'est général, cela englobe les prêcheurs au polythéisme, les prêcheurs à la mécréance, les prêcheurs à l'athéisme, les prêcheurs à l'innovation, les prêcheurs à l'égarement, les prêcheurs également au suivi des passions, au péché, quels qu'ils soient, que ce soit les turpitudes, la consommation de l'alcool et autres parmi les péchés. Tout cela, ils font partie des prêcheurs au faux. Et aujourd'hui, ceux-là, ils ont des moyens plus immenses qu'auparavant, car ils ont les moyens de communication moderne pour propager leurs ambiguïtés et leurs faussetés. Et ils sont nombreux sur, notamment, les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, Twitter, Instagram et ainsi de suite. Tous ces réseaux où le mal présent est bien plus grand que le bien qui se trouve en quantité limitée, malheureusement. Donc, étant donné la présence de tous ces prêcheurs au faux et le petit nombre de prêcheurs au bien qui appellent au tawhid, à la sunna, au suivi des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Il y a donc besoin de redoubler d'efforts pour ordonner le bien et interdire le mal. Ordonner le tawhid, ordonner le suivi de la sunna, ordonner le suivi des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ordonner l'obéissance à Allah, interdire le shirk, interdire les innovations, interdire les péchés majeurs et mineurs, et ainsi de suite. Il y a besoin de redoubler d'efforts en cela, et de ne pas faire preuve de paresse. Et chacun a sa part de responsabilité en fonction de sa situation et de ses aptitudes. Chacun à son niveau, chacun à son échelle. Il nous dit, rahimahullah, qu'à notre époque, donc la situation est plus grave, le danger plus immense en raison de la diffusion, la propagation des maux, de la corruption, du grand nombre de prêcheurs aux faux et du petit nombre de prêcheurs aux biens. Fira li bil bilad, kama taqaddam. Dans la majorité des pays, comme on l'a mentionné précédemment. Pas dans tous les pays, mais dans la majorité des pays. Wa min ajli hadha, amara Allah subhanahu wa ta'ala bihi wa raghaba fihi. Et c'est pour cela qu'Allah a ordonné cela, a ordonné le commandement du bien et l'interdiction du mal, et il a encouragé à cela. وَقَدَّمَهُ فِي آيَةِ آلِ عِمْرَانَ عَلَى الْإِيمَانِ. Et il l'a mentionné dans le verset de Surat Ali Imran, avant la foi. وَهِيَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et c'est sa parole, subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. الْآيَةِ يَعْنِ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fahiya khayrul umam wa afdaluha indallah. C'est la meilleure des communautés et la plus méritante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des communautés? Comme on a dit, car elle ordonne le bien et interdit le mal et a foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Comme dans le hadith authentique, d'après le prophète صلى الله عليه وسلم, qui a dit, إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. Vous allez rencontrer 70 communautés, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Et vous êtes la meilleure d'entre elles et la plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des communautés et la plus noble. C'est la première communauté qui entrera au paradis. Le premier pour qui les portes du paradis seront ouvertes est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous indique le mérite de cette communauté sur les autres communautés. Et c'est pour cela qu'il nous incombe d'être à la hauteur, de prendre nos responsabilités, d'être conscient que l'on ne peut être concerné par cette parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'elle est la meilleure communauté que si nous nous soumettons à cet ordre qui est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais si nous délaissons cet ordre, alors nous nous mettons en danger, comme on l'a vu dans le cours d'hier. Ensuite, il dit, rahimahullah, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة. Et le commandement du bien et l'interdiction du mal étaient présents dans les communautés précédentes. بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé par cela les messagers et l'a descendu par cela les livres. C'est-à-dire que le commandement du bien et l'interdiction du mal n'est pas une spécificité de notre communauté. Ce n'est pas une chose qui a été ordonnée exclusivement aux musulmans, mais cela a été ordonné aux communautés précédentes. Mais la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle se différencie par quoi? Par le fait qu'elle met en pratique cette prescription religieuse. Car dans les communautés précédentes, la majorité des gens ont délaissé le commandement du bien et l'interdiction du mal, à l'exception d'un petit nombre parmi eux. Comme on le verra par la suite, incha'Allah ta'ala, dans un des versets du Coran, que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble de ses messagers pour ordonner le bien et interdire le mal. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous explique cela en nous disant wa aslu al-ma'ruf tawhidullah wa al-ikhlas lahu wa aslu al-munkar ash-shirk billah wa ibadatu ghayrihi. La base du ma'ruf, la base du bien, la base du convenable, c'est quoi? C'est le tawhid. l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ikhlas, la sincérité envers lui. Le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela la base du bien, la base del ma'ruf. Et la base du munkar, la base du mal, c'est le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'adorer autre que lui. وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم المعروف وينهون الناس عن الشرك بالله الذي هو أعظم المنكر. Il nous dit l'ensemble des messagers عليهم الصلاة والسلام. Ils ont été envoyés pour rappeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah, car ceci est le bien le plus immense. Et pour interdire les gens de donner des associés à Allah, car le shirk est le mal le plus grave. Ceci est le message de l'ensemble des messagers alayhim salatu wassalam. Ils ordonnaient le tawhid et ils interdisaient le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا » Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Un messager pour les appeler à quoi ?« أَنِعْبُدُوا. Pour leur dire « Adorez Allah ». Ceci est le tawhid, adorer Allah, vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. « وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ » Et écartez-vous du tarout, écartez-vous du shirk, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc le message de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam, qui sont venus appeler à ce bien qui est le bien le plus immense, le tawhid, et qui sont venus interdire ce mal qui est le mal le plus grave, qui est le shirk. Et ceci nous indique une chose très importante, qui est que lorsque tu ordonnes le bien et que tu interdis le mal, tu dois commencer par les priorités. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens parmi ces pseudo-prédicateurs qui se mettent en avant sur Internet faire beaucoup de rappels, qui sont des rappels religieux, qui concernent des choses de la religion. Au sujet de l'intérêt usuraire, par exemple. Au sujet de la fornication, ils parlent beaucoup de cela. Au sujet des péchés, de la consommation de l'alcool, de la musique, et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que ceci fait partie de la religion, qu'il faut interdire ces choses. Mais le problème est qu'ils négligent l'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk. Et certains ne font pas cela car ils savent que cet appel risque de diviser, que cet appel risque de leur faire perdre des suiveurs, que cet appel n'est pas aussi attrayant que les sujets précédemment cités. Car malheureusement, beaucoup de gens pensent avoir compris leur croyance. Donc, lorsqu'ils voient qu'il y a un rappel qui est diffusé au sujet du tawhid, au sujet du shirk, ils ont tendance à penser que c'est assimilé. Mais comme leur âme est faible face au péché, que leur âme est bien souvent incitatrice au mal, et qu'ils ont un penchant pour certains péchés lorsqu'ils voient des rappels sur ces sujets, alors ils vont les écouter. Ils ne sont pas conscients de l'importance de la correction de la croyance avant cela. Donc tous ces prêcheurs qui ne font que parler de bons comportements, ou encore de certaines adorations, et mettre en garde contre certains péchés et certaines transgressions qui sont commises au sein de la communauté, mais qui négligent l'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk, qui négligent la réforme des croyances, la correction des croyances, alors il ne fait aucun doute que ceux-ci sont dans l'erreur. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ici « Aslul ma'ruf tawhidullah wal ikhlasu lah » La base du bien, la base du convenable, c'est l'unicité d'Allah et la sincérité envers lui, le fait de lui vouer un culte exclusif. C'est à cela qu'il faut commencer à appeler. Wa aslul munkar ash-shirku billah wa ibadatu ghayrihi. Et la base du mal, la base du munkar, c'est le shirk, l'association à Allah et le fait d'adorer autre que lui. C'est contre cela qu'il faut mettre en garde en priorité, comme l'ont fait les prophètes et les messagers. Car si les croyances ne sont pas corrigées, que les gens font du shirk, qu'ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur sera d'aucune utilité de délaisser la consommation d'alcool, la fornication et autres parmi les péchés et les turpitudes. Celui qui fait du shirk, mais qui est chaste et qui ne consomme pas d'alcool, ceci ne lui est d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que de les appeler au bon comportement, aux bonnes manières, alors qu'ils font du shirk, ceci ne leur est d'aucune utilité. Car même si la personne a le meilleur des comportements avec les gens, qu'elle est honnête, qu'elle ne ment pas, etc., mais qu'elle fait du shirk, qu'elle donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci ne lui sera d'aucune utilité. De la même manière, se concentrer seulement sur des appels à l'assiduité à la prière, à la pratique du jeûne, au jeûne surrogatoire, à la prière de nuit, et ainsi de suite. Ceci est une bonne chose, mais avant cela, il faut appeler les gens à corriger leurs croyances. Car celui qui prie la nuit et jeûne le jour, mais qui en parallèle de cela se rend auprès de Sidi un tel ou un tel, devant la tombe ou le mausolée de telle ou telle personne qu'il pense être un wali ou un saint, et qu'il l'invoque en dehors d'Allah, ou qu'il fait des sacrifices pour les djinns ou pour les marabouts, sa prière de nuit et son jeûne du jour ne lui seront d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc nécessaire de commencer par l'appel à la croyance authentique et la mise en garde contre le shirk qui est le plus grave des péchés. Et détailler aux gens ce qu'est le shirk. Ne pas se contenter d'une mise en garde générale, dire « le shirk est interdit ». Tous ceux qui s'affilient à l'islam savent que le shirk est interdit. Mais le problème est que beaucoup d'entre eux ne savent pas ce qu'est le shirk. C'est pour cela qu'ils le commettent. Si tu demandes à celui qui va invoquer les saints et les morts, est-ce que le shirk est permis? Il va te dire non, c'est le plus grave des péchés. Mais il ne sait pas que ce qu'il fait est du shirk. C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre en garde contre cela. Et de commencer par cela. Car le monothéiste qui meurt, alors qu'il pratiquait l'intérêt usuraire, ou qu'il consommait de l'alcool, ou qu'il commettait des turpitudes, ou autre parmi les péchés, celui-ci, s'il meurt sur ses grands péchés sans s'en repentir, mais qu'il est monothéiste, alors il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonnera. Et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de son péché, puis il finira par entrer au paradis en raison du tawhid. Quant à celui qui meurt sur le shirk, même s'il a délaissé tous les péchés précédemment cités, même s'il accomplit l'ensemble des obligations religieuses à l'exception du tawhid, alors celui-ci ira en enfer. Il ne sera pas pardonné s'il meurt dans cette situation. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bik wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Il pardonne aux consommateurs d'alcool, il pardonne aux fornicateurs, il pardonne aux meurtriers, et ainsi de suite. Bien sûr, ceci ne veut pas dire que ces péchés sont sans gravité, mais leur gravité est moindre comparée au shirk. Donc ceci nous indique qu'il ne faut pas négliger l'appel à la croyance authentique. Appeler au tawhid est la chose la plus importante et le bien le plus important qu'il faut ordonner. Et mettre en garde contre le shirk, contre le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci est le mal le plus grave qu'il faut interdire. Et celui qui fait cela, il aura alors certes emprunté la voie des prophètes et des messagers alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen radiyallahu anhu, il lui a dit « Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, falyakun awwal ma tadu'uhum ilay, shahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwaya ila an yuwahidullah. » Tu te rends certes vers un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Et dans une autre narration, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils vouent un culte exclusif à Allah. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit ? فَهِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. S'ils obéissent en cela, seulement s'ils obéissent en cela, s'ils n'obéissent pas en cela, ne passe pas à autre chose avant qu'ils t'obéissent en cela, avant qu'ils vouent un culte exclusif à Allah. S'ils obéissent en cela, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. S'ils obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah a prescrit pour eux 5 prières quotidiennes de jour et de nuit. La prière qui est le pilier de l'islam le plus important après le tawhid. Il ne lui a ordonné de ne les informer de son obligation qu'après qu'il lui a obéi dans le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui ne voue pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il passe ses jours et ses nuits à prier, ceci ne lui sera d'aucun intérêt auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses prières ne seront pas acceptées tant qu'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala va nous avertir contre le délaissement de cette prescription religieuse en nous parlant de la négligence des enfants d'Israël à ce sujet, et c'est ce qu'on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد